De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Vous êtes probablement déjà familier avec la notion d'anémie. Peut-être en souffrez-vous, on l'espère que non. Il s'agit d'un trouble de santé dont la cause première est une carence en fer. On comprend donc ici que le fer, cet élément chimique portant le numéro 26 dans le tableau périodique, est primordial pour le maintien de la santé. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais ce n'est pas seulement l'être humain qui peut manquer de fer. Certaines zones de l'océan sont effectivement anémiques. Alors, pour nous en parler cet après-midi, nous recevons Alexandre Royer-Lavallée, étudiant à la maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS ETE, qui étudie l'utilisation des isotopes du fer pour tracer le transport et le devenir de cet élément dans l'océan Arctique. Bonjour Alexandre. Alors, Alexandre, bienvenue à notre émission. L'océan peut être anémique? Vous me surprenez un peu cet après-midi, là. Oui, effectivement, dans certaines régions, en fait, tout serait présent pour que la vie foisonne, que les réactions de photosynthèse se produisent. Uh-huh. On trouve des nutriments et de la lumière. Et on s'appelle que la photosynthèse, c'est la réaction qui permet de produire de la matière organique à partir de la lumière, du CO2, qui est le gaz carbonique, uh-huh. et de l'eau. Par contre, dans ces zones, c'est pas le cas. On remarque en effet qu'il y a très peu de photosynthèse. Et ce serait pour beaucoup de cas, en raison d'un manque de fer dissous. Puis c'est justement pour mieux comprendre d'où vient le fer et où il se transporte dans l'océan Arctique que nous étudions le fractionnement de ces isotopes dans les sédiments. Alors, vous venez de mentionner le terme isotope. De quoi il s'agit quand on parle d'isotope? Bien, si on parle de la racine grecque du mot, un isotope, ça vient de iso, qui signifie égal, uh-huh. et topos, qui veut dire lieu. Donc, deux isotopes se trouvent au même endroit dans le tableau périodique. Il s'agit en fait du même élément chimique. Ce qui les distingue, en fait, c'est leur masse. Pour faire une analogie, prenons deux chats. Un qui serait dans son poids santé, puis un qui est un petit peu plus dodu. Donc, les deux sont des chats, ils ont la même physiologie, mangent la même nourriture, font les mêmes activités. Par contre, s'ils font une course, ben, on se doute bien que le plus léger risque fort probablement de l'emporter sur le plus gros. Effectivement. C'est peut-être une drôle de comparaison, mais c'est un petit peu le même principe avec les isotopes du fer. Le fer a quatre isotopes stables, et par stable, on veut dire qu'il ne se désintègre pas, qu'il reste inchangé dans le temps. Okay. Par opposition aux isotopes radioactifs du plutonium, par exemple. Donc, les quatre isotopes sont du fer, un peu comme nos deux chats. Ils font les mêmes réactions, mais puisqu'ils n'ont pas la même masse, ils ne réagissent pas à la même vitesse. Et puis, en fait, ce que les isotopes nous apportent comme information, c'est que puisqu'ils ne réagissent pas à la même vitesse en raison de leur masse, ils se produisent ce qu'on appelle un fractionnement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la même proportion de l'isotope lourd par rapport à l'isotope léger partout sur Terre. Ainsi, selon l'emplacement dans l'océan Arctique, qu'on se trouve sur le plateau continental, ça c'est la région la plus près du continent, uh-huh. Dans la pente ou dans les bassins abyssaux, les bassins profonds, ben, on n'aura pas la même composition isotopique. Et à partir de ce fractionnement isotopique, on peut tirer des informations, sur l'origine ou le devenir du fer dans l'Arctique. Et parmi les réactions qui causent un fractionnement isotopique, on trouve les réactions d'oxydoréduction. Des réactions d'oxydoréduction, donc des réactions qui impliquent des échanges d'électrons. Avez-vous des exemples pour bien illustrer ce que sont les réactions d'oxydoréduction? Vous êtes peut-être pas au courant, mais vous êtes tous déjà très familiers avec ces réactions. La rue qu'on reconnaît par ses teintes, par certaines brun-rouge sur nos autos, entre autres, très typique, hein? Est un exemple très connu. En fait, ce qui se passe, c'est que le fer, en présence d'oxygène de l'eau et de l'air et ainsi que de l'eau, est oxydé pour former de la rouille. Et quel est le lien entre la rouille et ce qui se passe dans le fond de l'océan Arctique? Bien, le fer est un des principaux éléments qu'on retrouve dans les sédiments marins. Et dans l'eau, on le sait, on retrouve de l'oxygène, qui est un puissant oxydant. Le fer se trouve donc principalement sous sa forme oxydée. Par contre, en descendant en profondeur dans les sédiments, l'oxygène se fait de plus en plus rare. Le fer peut alors être réduit. On voit donc ici qu'il y a des réactions d'oxydoréduction qui se produisent et par conséquent qu'un fractionnement isotopique a lieu. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous étudiez exactement dans tout ça? Bien, le but de mon projet de maîtrise, c'est de mieux comprendre le cycle du fer dans l'océan Arctique, c'est-à-dire savoir d'où il vient, où il se déplace et où il s'accumule. Et pour ce faire, je fais des analyses sur des carottes de sédiments qui ont été récoltées dans différentes régions de l'océan Arctique pendant 3 missions océanographiques. OK. Et quels sont vos résultats? Est-ce que vous pouvez tirer des conclusions déjà? Oui, ben en fait, quand on analyse seulement la concentration en fer, on semble observer un enrichissement, c'est-à-dire une accumulation en quelque sorte dans les bassins profonds de l'Arctique par rapport aux sédiments qui sont plus près du continent. Et avec les analyses isotopiques, on cherche en fait à confirmer cette hypothèse. Mes résultats isotopiques sont, on peut les qualifier de très préliminaires parce que je viens tout juste de les obtenir. Mais jusqu'à présent, ils semblent appuyer nos hypothèses. On trouve en effet une plus grande proportion de l'isotope léger dans le bassin profond en comparaison au plateau continental. On se rappelle que l'isotope léger, c'est celui qui réagit généralement le plus rapidement. Et puisqu'on le trouve en plus grande proportion au large du continent que près du continent, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un transport de fer du plateau vers l'océan profond. Et puis concrètement, connaissant ces informations-là, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Ben, ces informations nous permettent surtout de mieux comprendre l'environnement arctique, puisqu'on sait que l'Arctique vivra de grandes perturbations en raison des changements climatiques. C'est important de documenter son état actuel. Au début de la chronique, je vous ai parlé de l'importance du fer par rapport à la photosynthèse, mais le fer joue aussi un rôle important dans la géochimie des métaux, dont certains qui sont toxiques. Donc, un changement des conditions de cet océan pourrait avoir des répercussions sur le cycle de d'autres éléments. En fait, je constate que c'est assez fondamental comme recherche. En pratique, est-ce qu'on pourrait, par exemple, ajouter du fer dans certaines zones de l'océan pour augmenter la photosynthèse? Est-ce que ça pourrait se faire, ça? En fait, c'est pas l'objectif de nos recherches. Et ce genre d'expérience-là, qu'on appelle communément la fertilisation de l'océan, a déjà été réalisée. En théorie, ces expériences pourraient avoir un intérêt environnemental et économique assez important. En effet, sachant que le fer est limitant pour la photosynthèse, si on ajoute dans des zones qui sont appauvries, on pourrait s'attendre à ce que la photosynthèse augmente et par conséquent que la concentration en CO2 atmosphérique diminue. Ce CO2 qui serait transformé par la photosynthèse en matière organique serait stocké dans les fonds marins. En fait, si c'était aussi simple, on verrait sûrement des tonnes de fer tomber du ciel pour régler les problèmes liés au changement climatique. Par contre, ces expériences-là ne donnent pas vraiment les résultats qu'on attendrait. Il y a une douzaine d'expériences qui ont été faites dans les années 2000, mais aucune n'a été réellement concluante. Puis c'est sans compter en plus les conséquences non négligeables qu'elles ont entraînées. On parle de changements dans la composition biologique, diminution de l'oxygène sous la surface, production d'oxyde nitreux, qui est un autre gaz à effet de serre. Bref, pour toutes ces raisons, le Canada n'autorise pas actuellement la fertilisation de l'océan, sauf pour des recherches scientifiques qui sont qualifiées de légitimes. Alors merci beaucoup Alexandre Royer-Lavallée, étudiant à l'INRS, pour ces explications. Merci. On va faire une autre pause musicale. Et on vous revient avec le mot de la fin.